fois, mais pas pour m'affirmer qu'une seule fois. Chacun sa croix, comme mon phare de sa croix. J'ai qu'une seule foi, une seule fin. Le même début, mais pas le même refrain. Un seul destin, donc on se demande de quoi sera fait demain. Une seule mère que je veux rendre fière de moi. Un seul repère, un seul courage qu'on doit prendre à demain. Et m'aider à l'appel, mais personne répond à l'appel. Une seule chance à laquelle je m'accroche pour finir un jour à la tête. D'affiches, plusieurs façons de devenir riche, mais une seule honnête. Aucune recette pour le succès qu'on aimerait tous connaître. Un seul but jamais fini à temps, ou rarement atteint. Des croyants devenus athées car leurs espoirs se sont éteints. Une seule attente, quand l'heure sonne, on est souvent seul au rendez-vous. La solitude donne des cœurs souffrants qui saignent à se rendre fous. Chaque chose a son coût, son importance, on a tant à perdre. Pour chaque étape, plus de temps à prendre. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. On a qu'une seule vie, avec un seul père, une seule mère, un seul cœur. Des milliards d'hommes sur une seule terre. Y'a qu'un seul Dieu, alors y'a qu'un seul diable. Des centaines d'élus en fait, pas un seul fiable. Avec un seul corps, un seul honneur, une seule voix pour se défendre. Une seule peur, ce qu'on peut pas comprendre. Une seule histoire qui nous hante et nous suit. Et tout n'a qu'un seul prix, et c'est le bonheur qui nous tente et nous fuit. Un seul mot suffit pour que ta vie bascule. Un seul coup de fil pour que l'avenir t'accule. On a souvent qu'un seul job, un seul toit. Assistant comme le prédateur à une seule proie. Un seul cri, un mouvement de foule, et c'est la panique. Et après une seule rencontre, il se peut que l'avenir s'agit. Sais-tu que seule l'encre vaut mieux que la mémoire. Y'a qu'une vérité, faut le voir pour le croire. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. Un seul bonheur en somme, mais tellement de tristesse en soi. Tellement de cœur en sang, mais qu'une façon d'être tous ensemble. Une seule enfance, qu'ils ont souvent bafoué et mis de côté. Tellement de souffrance. La minorité n'aime pas écouter. Une seule richesse pour l'élite, et la même pauvreté nous pousse à faire tellement de guerre parce qu'une seule terre pour tous. Et pour cause un seul gramme, pour foutre sa vie en l'air. Notre seul drame c'est de savoir qu'on finit sous terre. Une seule arme pour faire sauter toute la planète. Seule une femme à 9 mois pour porter un être. Une seule chance, un seul moment pour la saisir. C'est maintenant dans le présent qu'on construit l'avenir. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi. La vie est belle si on fait tout pour qu'elle le soit. Comme tu le sais déjà, chez nous le moral n'y est pas. La mort s'en va sans plus attendre, ne le lâche pas. Accroche-toi pour le préserver près de toi.